Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte. Nous sommes d'accord, toi et moi, sur ce que Rome désire vraiment, a toujours désiré de l'Égypte. L'or, le grain, nos trésors. C'est la vieille histoire. La puissance romaine bâtie sur les richesses d'Égypte. Tu les auras. Tu les auras toutes et dans la paix. Mais il n'y a qu'un seul moyen. Le mien. Fais-moi reine. L'histoire de Cléopâtre est irrémédiablement associée à celle de Jules César. Qu'est-ce qui appartient au mythe? Qu'est-ce qui appartient à la réalité dans la relation qu'entretiendront, par exemple, Jules César et Cléopâtre? Dans quelle mesure cet extrait du célèbre film de Joseph Mankiewicz, Cléopâtre, réalisé en 1963, traduit-il fidèlement la nature du pacte qui va unir César et Cléopâtre? Cléopâtre est l'une des figures féminines les plus connues de l'histoire, mais dans les faits, jusqu'à quel point la connaît-on vraiment? Notre histoire commence, il y a bien longtemps, à Alexandrie, ou en Alexandrie, on peut dire les deux, ici même, en Égypte, dans le palais de la reine des reines, la légendaire et délicate Cléopâtre. Assez ! Je dis juste que culturellement parlant, l'Égypte, c'est pas non plus. Ne dis pas qu'il n'y a pas eu une grande période égyptienne. Ça, d'accord. Je dis simplement qu'aujourd'hui, ton peuple est décadent. Et que l'Égypte n'est plus qu'une province de Rome. Une province? Ah oui. Jusqu'à nouvel ordre, ô César, ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides. Des trucs pointus, là. Et le Sphinx? Et la tour de Pharos? C'est quoi? De la gnognotte? Oui, enfin, ça date pas d'hier, hein. Que ce soit hier ou aujourd'hui, mon peuple est le plus grand de tous les peuples! Dis donc, ton peuple, t'es quand même grec au départ, alors comme égyptienne de souche, j'ai vu mieux, excuse-moi. Il est génial, cet extrait, parce qu'il nous donne un exemple récent d'ailleurs, du genre de représentation qu'on peut faire, qui a été fait de Cléopâtre dans la culture populaire. En l'occurrence, ici, il s'agit du film Astérix, Mission Cléopâtre, réalisé par Alain Chabat en 2002, pour départager le vrai du faux, le mythe de la réalité, pour essayer, au fond, d'esquisser le portrait le plus juste possible de Cléopâtre. Trois invités, trois passionnés d'Égypte, Raphaël Walland, historien, habitué de l'émission, Évelyne Ferron, également historienne et également habituée de l'émission, et puis le petit nouveau aujourd'hui, Maxime Durand, qui est historien à Ubisoft, qui a travaillé entre autres à la conception du jeu vidéo Assassin's Creed Origins, dont l'action se situe justement dans la période de l'Égypte ancienne dans laquelle on peut situer Cléopâtre. Bonjour à vous trois. Merci d'être avec nous. Bonjour. Je le dis au tout début de l'émission, c'est une des figures féminines les plus connues, Cléopâtre. Et pourtant, qu'est-ce qu'on sait vraiment d'elle? Commençons par là. Et je suis curieux de vous entendre me parler de votre Cléopâtre. Qui est Cléopâtre pour vous, Raphaël Walland? En fait, moi, j'aime beaucoup le premier extrait que vous avez présenté, même si on va reparler tout à l'heure de ce film de 1963. J'aime beaucoup cet extrait-là parce qu'on retrouve la relation entre Rome et l'Égypte, entre Cléopâtre et les différents dictateurs romains qu'elle va rencontrer, dans sa version la plus pure. Ouais. C'est-à-dire un échange de bons procédés. Tu veux ceci, je peux te le donner, mais je veux quelque chose en échange. Ouais. Tu veux mon grain, je veux la couronne, arrangeons-nous entre nous. Et tout le reste, un pacte. Ouais. Et le fla-fla, l'amour, le sexe, toutes ces choses-là, le nez, les bains, toutes ces choses-là, c'est peut-être du fla-fla extérieur, c'est peut-être de la représentation postérieure, mais je crois que là, on est dans un échange de bons procédés, dans un pacte, et je crois qu'on est vraiment droit au but. Évelyne Ferron, parlez-moi de votre Cléopâtre. Une femme méconnue, parce qu'on a une femme d'État, un chef d'État, et c'est peut-être quelque chose qui a été dilué, en fait, au fil du temps, volontairement peut-être par une propagande romaine, mais on a une femme intelligente, à la tête très forte, qui sait gérer un royaume. Il y a de la nouvelle documentation, d'ailleurs, qui sort à cet égard-là. On a un papyrus, maintenant, qu'on croit signé de sa main, qui s'appelle le Pebingen 45, où on voit vraiment cette chef d'État qui était Cléopâtre et qui était en train de créer les alliances pour faire de son royaume un royaume très puissant. Il faut dire, on y reviendra, mais que l'histoire qui est parvenue jusqu'à nous de Cléopâtre, c'est une vaincue d'une certaine façon. Cléopâtre, c'est l'histoire qui a été écrite par ses ennemis, par les Romains entre autres. Ceci explique cela. Un mot, Maxime Durand, pour nous parler de votre Cléopâtre. Quel Cléopâtre vous intéresse, vous? Moi, c'est l'histoire d'un succès incroyable où elle est la dernière régnante d'une dynastie qui va à chaque année s'écrouler un peu et un peu plus. Et Cléopâtre va réussir à ramener le rayonnement sur cette dynastie-là en élargissant les frontières de son empire plus larges qu'ils n'en ont jamais été avec tous ses ancêtres. Donc, c'est une figure qui est incroyable, qui règne sur l'Égypte alors qu'elle est grecque. Et ça, c'est fascinant. Une gagnante dans une époque plutôt perdante, au fond, pour l'Égypte. C'est parti. Cléopatra Théa Philopator. Vous trouvez que ça sonne égyptien comme nom? Il n'y a pas plus grec. Ça signifie la divine gloire du père qui aime beaucoup son père. Je sais. C'est pas pour la ramener, hein, mais je suis calée en philosophie, en sciences, en médecine. Et outre ma langue natale, le grec, je parle aussi une dizaine d'autres langues, dont le latin, l'hébreu, le mède, l'araméen, l'éthiopien, le troglodyte. Et c'est spécial, mais très sympa, le troglodyte. Ah, et puis je suis quand même la première des Lagides à parler l'égyptien. Avant moi, il n'y en a pas un qui s'était fendu de parler la langue de son peuple. Bravo les gars. Et après, ils s'étonnent d'essuyer régulièrement des révoltes populaires. Et pour moi, l'Égypte et son peuple, c'est important. C'est pour ça que j'ai vite compris que pour pas se faire bouffer par les Romains, fallait la jouer fine. Extrait de l'émission Confessions d'histoire, un épisode récent qui date de 2016. Ce qu'on vient d'entendre, ça nous en dit déjà un petit bout sur l'époque durant laquelle Cléopâtre va être reine d'Égypte. Et on va parler de cette époque de Cléopâtre avec vous, Maxime Durand, pendant quelques minutes. D'abord, on l'entend dans l'extrait, elle n'est pas égyptienne, Cléopâtre, elle est plutôt grecque. Elle appartient à cette dynastie des Ptolémées ou des Lagides. Parlez-nous un peu de cette dynastie-là. Qui sont ces gens? Et ça nous amène où? Où est-ce qu'on place cette dynastie dans l'histoire de l'Égypte? Donc l'Égypte, à l'époque antique, c'est une période qui dure plus de 3000 ans. On parle en termes de civilisation. Et donc Cléopâtre, c'est vraiment la dernière dynastie de 3000 ans d'histoire où l'Égypte va s'imposer à l'interne et à l'externe, va rayonner. Et puis, elle fait partie d'une dynastie qui s'appelle la dynastie Lagide, du nom de son fondateur, Ptolémée Lagos, qui est en fait un général d'Alexandre le Grand, qui va conquérir l'Égypte dans sa soif de devenir Héraclès, de devenir Hercule, d'être le plus grand de l'histoire humaine. Et puis, ce qui est spécial avec l'Égypte, c'est que contrairement à tous les autres royaumes conquis par Alexandre le Grand, c'est le seul, en fait, qui va réussir à garder une dynastie pendant plusieurs siècles. Ouais. Et puis, c'est donc quelque chose d'inattendu, en fait, parce que les Grecs, contrairement aux anciens envahisseurs de l'Égypte, vont réussir à être reconnus par la population comme pharaons. Ils vont avoir une approche très différente des autres peuples qui vont essayer d'envahir l'Égypte. Ils vont reconnaître les divinités égyptiennes. Ils vont reconnaître le système bureaucratique de l'Égypte. Ils vont vraiment se l'approprier et ils vont créer une espèce de société dans laquelle les Égyptiens se reconnaissent. Ouais. Cléopâtre sera quand même, on l'entendait dans l'extrait, Évelyne Ferron, la première. Malgré ce respect, ils ont compris. C'est les Grecs qui dirigent l'Égypte, qu'il faut être à l'écoute du peuple et respecter les valeurs, la culture de ce peuple égyptien. Mais c'est quand même Stinoui la première qui va parler aux Égyptiens dans leur langue. Oui. Parce qu'avant, on ne voyait pas l'intérêt chez ses prédécesseurs de parler l'égyptien. On régnait à partir d'Alexandrie. La bureaucratie se faisait en grec. Les administrateurs des différents nomes, donc les différents districts de l'Égypte, parlaient aussi le grec. Donc, on pouvait communiquer avec eux dans cette langue administrative-là. Donc, on ne voyait pas l'intérêt. Ici, on a une femme qui, dans son enfance, dans sa jeunesse, profite de la magnifique bibliothèque d'Alexandrie aussi et sait que pour pouvoir consolider les alliances politiques de son royaume, ben, de parler la langue des royaumes environnants, c'est probablement le meilleur atout, d'être capable de communiquer avec son peuple aussi. Et c'est ce qui va lui donner une cote d'amour, éventuellement, quand même assez importante. Est-ce que c'est cette sensibilité-là qui fait, par exemple, que un des grands mythes autour de Cléopâtre, c'est qu'on est très, très nombreux à penser qu'elle est égyptienne, elle ne l'est pas. Un mythe qui perdure aussi longtemps, comment ça s'explique? Qu'elle soit égyptienne, je crois que c'est plutôt une méconnaissance de l'histoire de l'Égypte ancienne. Les gens croient que l'Égypte ancienne, c'est uniquement l'époque des pharaons et ce n'est qu'égyptien. On a une méconnaissance, en fait, de ce qu'on appelle l'époque hellénistique, lagide, ptolémaïque. On oublie en fait qu'il y a eu une grande dynastie grecque dans cet univers-là. Je dirais donc dans l'histoire générale, ça a contribué beaucoup à la faire passer pour une égyptienne. Et il y a toute une histoire de propagande politique aussi autour de ça. Et puis Raphaël, des mythes, vous l'évoquez un petit peu dès l'ouverture de l'émission, mais il y en a toute une tonne de mythes autour de Cléopâtre. Oui, tout à fait. Le fait qu'elle soit égyptienne, justement, ça fait aussi partie de ces mythes-là. C'est une manière de la renvoyer à quelque chose d'étranger, de corrupteur, d'étrange, de lascif, d'oriental, alors que les Grecs, pour les Romains, sont des gens qui sont censés être plus occidentaux, disons, plus rationnels, etc., et qui vont être récupérés. Donc elle ne peut pas être grecque, parce qu'elle est lascive et corruptrice. Et il y a toutes sortes de légendes qui appuient cette exemple, cette idée de corruption. Alors, bon, dans le répertoire très nombreux, il y a notamment le fait qu'elle s'entraîne pour éventuellement pouvoir donc séduire César puis Marc-Antoine. Elle, notamment, elle aurait couché avec 1000 hommes en 10 nuits, 10 jours aussi. Donc, j'imagine qu'il y a quand même du temps pour le faire. Et surtout, record des records, elle aurait réussi 1000 fellations en une nuit. Ouais. Je ne sais pas combien d'heures il y a dans la nuit, mais c'est quand même très rapide. Hein. Je suis très impressionné. Ça fait partie de la légende, évidemment. Probablement. Ouais. Je ne peux pas me prononcer. Revenons avec un extrait d'un égyptologue. Ça remonte à 65, mais c'est quelqu'un, c'est une grosse pointure. Évelyne Ferron, vous devriez lui voir le visage pendant qu'elle sait ce qui s'en vient. Serge Sauneron, égyptologue à l'Institut français du Caire. Je vous présente un extrait de l'émission suisse « L'homme à la recherche de son passé », diffusée en 65. Et ce que j'allais dire, c'est que ça va nous permettre, Maxime Durand, de revenir sur cette sensibilité, cette intelligence politique qu'a Cléopâtre. Mais c'est plus qu'elle dont il est question dans cet extrait. Mais au fond, on voit bien que cette Égypte, elle est profondément enracinée dans des valeurs, dans des traditions culturelles très fortes et qu'on doit faire avec, même si on est Cléopâtre ou quelque lagide que ce soit. C'est une chose en effet très frappante de voir que tous les peuples étrangers, même dotés d'une civilisation déjà très, très originale, très ferme, très personnelle, comme c'était le cas des Grecs par exemple, tous les peuples étrangers qui ont envahi l'Égypte, qui sont venus s'y installer, au lieu d'implanter en Égypte leur propre civilisation, ont vu la leur se transformer peu à peu au contact de la civilisation égyptienne, soit pour donner quelquefois un art mixte ou bâtard, enfin, selon que l'on choisit d'être péjoratif ou au contraire laudatif dans l'appréciation qu'on fait de cet art, soit pour donner quelque chose d'absolument nouveau. L'art hellénistique, par exemple, est né du contact de l'art grec, territorial, national, avec l'art égyptien, mais l'Égypte n'a rien ressenti en contre-coup de cet apport étranger. La nation égyptienne, l'art, la religion, les traditions sont restées fermes, indépendantes, telles qu'elles étaient à toutes les époques, tandis qu'au contraire, on voit des Grecs, des Européens installés en Égypte, épouser des Égyptiennes, prendre un nom égyptien, élever des chapelles dans leur maison à des dieux locaux. Ce sont eux qui s'égyptianisent. Et ça, c'est un phénomène qui a été frappant à toutes les époques. Toutes les vagues d'invasions qui sont venues déferler en Égypte et s'installer en Égypte ont abouti à une transformation de l'envahisseur et pratiquement n'ont apporté aucune modification sensible dans le style de vie ou les formes de pensée du pays envahi. Alors, parlons-en de cette nation égyptienne, de cette culture égyptienne très forte. Qui sont-ils, ces Égyptiens du temps de Cléopâtre, Maxime Durand? Comment ils vivent? Comment est organisée la société égyptienne du temps? C'est une société qui est largement peuplée par le peuple égyptien. Mm-hmm. Donc, oui, il y a des Grecs, mais ils sont surtout à Alexandrie. Alors que tout le long de la vallée du Nil, là où se concentre la vie en Égypte, les gens vivent de l'agriculture depuis des millénaires. Ils ont des techniques qui ont évolué avec le temps, mais ils utilisent traditionnellement plusieurs des mêmes outils, donc les chadoufs pour irriguer, les séquias pour irriguer également. Ils ont créé des systèmes de canalisation très puissants qui vont rendre le pays très riche et qui vont permettre également un dégagement pour créer des monuments funestes magistraux. Mais c'est une société qui est également très hiérarchisée. Donc, il y a vraiment un respect pour la hiérarchie. Le pharaon est vraiment l'expression royale au-dessus du peuple. Il y a une bureaucratie qui est très forte, qui gère les récoltes, par exemple. Donc, on peut, selon les crues du Nil, déterminer le prix d'une taxe qui va être à payer. Donc, on paye la taxe au temple. Oui. Donc, on donne une puissance au temple aussi au niveau social. Donc, ce sont eux qui gèrent les taxes locales et qui vont remettre ensuite à Pharaon la source, par exemple, le surplus de grains ou le surplus d'un élément qui est produit localement. Donc, c'est une société qui se transforme très peu dans ce sens-là. Ouais. Et le Nil, il est fondamental. Vous m'en avez parlé au moins deux fois depuis quelques secondes. C'est l'artère, c'est la richesse du pays. Les villes principales du pays sont autour du Nil, je présume, à ce moment-là. Absolument. Donc, Memphis, qui est vraiment la première capitale de l'Égypte, qui va demeurer vraiment un pilier de la puissance politique et religieuse excessivement longtemps. Donc, on parle principalement à ce moment-là de la Basse-Égypte. Et en Haute-Égypte, donc, on est inversé, on remonte le cours du Nil, on se rend jusqu'à Thèbes, qui va être un centre puissant au niveau religieux et politique également, mais avec des périodes qui vont varier. Mm-hmm. On a la très, très vieille ville aussi d'Héliopolis qui existe, mais qui, à l'époque de Cléopâtre, est plutôt en ruine très avancée. Elle est perdue un peu. Et puis, j'ai envie de dire, tout à côté, mais vous poursuivrez, mais vous avez parlé d'Alexandrie. Donc, il y a cette Égypte que vous avez décrite, qui est peuplée d'Égyptiens, qui ont un savoir-faire millénaire, qui vivent en égyptien. Mais il y a donc, on y revient, Cléopâtre, cette dynastie des Ptolémées, les Lagides, qui sont grecs. Ça donne quoi? L'Égypte de Cléopâtre, c'est Alexandrie, beaucoup. Parlez-moi de l'importance qu'a cette ville sous Cléopâtre. À quoi elle ressemble, cette ville-là, sous Cléopâtre? Alexandrie, c'est la ville neuve. Je dirais, selon nos standards urbanistes actuels, c'est vraiment la ville idéale parce qu'elle est... C'est un quadrilatère, donc elle a été pensée, en fait, pour devenir une capitale d'une dynastie. Elle a été pensée pour être proche de l'embouchure du Nil pour pouvoir faire le commerce avec la Méditerranée, pour pouvoir amener les biens d'Égypte en Méditerranée et inversement. Mm-hmm. Elle a été faite également pour pouvoir être la capitale vraiment d'un empire grec. Et ce sont vraiment que des Grecs principalement ou des mercenaires ou des gens qui commercent qui vivent à Alexandrie. Ouais. Pratiquement pas d'Égyptiens. Alors qu'à l'inverse, dans le reste du pays, il n'y a pratiquement pas de Grecs, à l'exception du Fayoum, qui est vraiment une région où on colonise beaucoup. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'irrigation et c'est ce qui fait la richesse de propriétaires terriens qui sont la source militaire du pouvoir. Et comment se passe la cohabitation entre ces deux Égyptes, au fond, l'Égypte méditerranéenne d'Alexandrie, celle de Cléopâtre et le reste du pays plus égyptien? Bon, comme on le mentionnait dans l'extrait audio, en fait, il n'y a pas beaucoup de contacts. Ouais. Donc, les Grecs, ils vont avoir une espèce d'amalgame religieux qui existe, qui va se créer, et puis le pouvoir dynastique va essayer de s'approprier un culte divin, qui est le culte de Sérapis. Pour les Égyptiens, ce culte-là n'existe pas. Ils ne le voient pas. Eux, ils vont avoir la version vraiment égyptienne du culte. Donc, le culte d'Osiris, par exemple, demeure important pour les Égyptiens. Alors que les Grecs vont transformer leur divinité pour croire à des religions égyptiennes, mais avec un visage grec. Ouais. Les Égyptiens ne représentaient pas leur dieu avec des visages. Et ça, c'est vraiment unique. Ouais. Dernier mot pour compléter ce portrait d'époque, l'Égypte au temps de Cléopâtre. Physiquement, territorialement, ça ressemble à quoi? Les limites de l'Empire, les frontières de cet empire-là? Une géographie naturelle, donc vraiment la vie le long du Nil jusqu'aux premières cataractes, donc jusqu'aux premières grosses difficultés de navigation qui vont vraiment départir avec ce qu'ils appelaient à l'époque la Nubie. Ensuite, à l'ouest, le Sahara est un désert qui fait une frontière assez naturelle. Malgré tout, il y a des oasis qui vont créer un lien, en fait, jusqu'au territoire de la Libye. À l'est, c'est encore une fois le Sinaï, donc les montagnes, le désert qui va également refermer le pays. Mm-hmm. Et les Égyptiens ne sont pas des navigateurs. Ils ne quittent pas l'Égypte. Mm-hmm. Donc, tout doit passer par le delta du Nil pour se rendre en Égypte ou passer par l'est. Et puis, y a très peu de gens qui passent par là parce que c'est militairement assez renforcé. Ouais. Cette Égypte-là, Raphaël Walland, économiquement, on a vu le territoire, la géographie, à quoi ça pouvait ressembler, sociologiquement, à quoi ça pouvait ressembler aussi. Qu'est-ce qui fait qu'un Jules César, plus tard, puis on y vient dans un instant, un Jules César, qu'un Marc-Antoine vont s'intéresser à l'Égypte? Il y a deux éléments. L'Égypte est très riche, première chose, et il y a deux éléments à cette richesse. Le premier, c'est une richesse agricole extraordinaire. On a parlé donc des vieilles méthodes qui ont été mises en place, du Nil qui sert à tirer la nourriture du cœur du désert. Et tout cela, ça va permettre aux généraux romains de nourrir une population à Rome qui devient de plus en plus rétive, qui est passive. Elle est chez elle et il faut la nourrir. Et la nourriture qui va venir d'Égypte va devenir une sorte de monnaie d'échange pour les généraux et les aristocrates romains pour pouvoir obtenir la santé. Ouais. Du peuple et se baser sur ce peuple pour obtenir des pouvoirs. Donc ça, c'est le premier élément de cette richesse. Donc transformer la richesse de l'Égypte en un soutien politique. Et d'autre part, la richesse de l'Égypte, elle vient aussi du commerce et notamment d'un rôle de plaque tournante entre la mer Rouge, l'océan Indien, la Méditerranée, qui va se développer surtout plus tard à l'époque romaine, mais qui commence déjà pendant la période grecque. Et avec cet argent-là, on peut payer des soldats, on peut payer des pots de vin à droite et à gauche. Donc en général, la richesse de l'Égypte pour du pouvoir politique à Rome. Indiscutablement d'origine macédonienne, pas de sang égyptien officiellement admis tout au moins. Réputée pour sa brillante intelligence et son esprit d'ailier, la reine Cléopâtre a beaucoup lu. Elle est versée dans les sciences naturelles et mathématiques. Elle parle 7 langues avec la même facilité. Si ce n'était pas une femme, elle serait considérée comme un intellectuel. Ceci intéressera peut-être davantage la marine. Mais pour atteindre ses objectifs, Cléopâtre n'hésite pas à employer la torture, le poison et même ses raffinements amoureux qui sont, paraît-il, innombrables. Ces amants se classent plus facilement par des numéros que par des noms. Car on dit qu'elle les choisit, à la façon d'un homme, plutôt que d'attendre qu'on la choisisse selon l'usage féminin. À nouveau, un extrait du film Cléopâtre, réalisé en 1963 par Joseph Mankiewicz, ce fameux film avec Elizabeth Taylor et Richard Burton. Parlons-en un peu de Cléopâtre, la femme de pouvoir, Evelyne Ferrand. Oui. Séductrice, entend-on, dit-on, dans cet extrait. Mais plus que ça, on l'entend au début de l'extrait aussi, femme cultivée. Parlez-nous un petit peu de cette femme-là. Qui est Cléopâtre? Qui est cette femme de pouvoir? Mais cette femme de pouvoir, c'est qu'elle fait partie, Maxime m'en parlait quand même un peu, d'une grande dynastie, mais qui a eu des difficultés quand même économique et politique lorsque elle est jeune. Donc, elle est consciente de ça et elle est intelligente. Donc, elle étudie, elle comprend en fait que l'avenir de l'Égypte va passer par les relations diplomatiques, ce qui explique en fait la maîtrise de ces langues-là, mais qui explique aussi sa volonté d'apprendre sur le monde. Elle se prépare à régner. Elle se prépare à régner, même si on manque beaucoup de sources. Il faut quand même comprendre que Cléopâtre est malheureusement un personnage qui est très peu documenté, à l'exception de la propagande romaine, qui est donc pas nécessairement si juste. Mais on comprend que c'est une femme qui savait qu'elle allait avoir un rôle à jouer éventuellement pour protéger son pays. Ce qui explique aussi de parler la langue du peuple pour être capable de parler au peuple et d'expliquer ce qu'elle a l'intention de faire aussi. Et c'est une femme, donc, qui voit l'avenir de l'Égypte par la diplomatie et les alliances politiques très tôt dans sa vie. Mais ça commence dans un contexte qui est difficile. Vous l'évoquiez à la mort de son père. Bon, racontez-nous un peu quand, dans quel contexte elle accède au trône, Cléopâtre. Son père, en fait, c'est que Cléopâtre, bon, a des frères et sœurs, mais il y a plus qu'une mère dans l'histoire. On les connaît très, très mal. On sait que Cléopâtre, en fait, contrairement à d'autres de ses frères et sœurs, n'a pas nécessairement la même mère. Il y a un conflit, en fait, interne très commun chez les Ptolémées de famille pour obtenir le pouvoir. Et on est à une époque où Rome, effectivement, est devenue un empire méditerranéen très puissant, qui a un intérêt, comme le disait Raphaël, pour les ressources agricoles, entre autres, de l'Égypte. Mais pas juste ça, c'est que la position géographique de l'Égypte par rapport au couloir syro-palestinien est vraiment importante parce qu'on veut s'en aller dans ces régions-là. Et donc, le père de Cléopâtre est considéré comme un homme politique très faible dans l'histoire des Ptolémées. Et à sa mort, eh bien, il décide de mettre sur le trône la jeune Cléopâtre, qu'on estime à l'époque avoir à peu près 18-19 ans, parce qu'on a encore des hésitations là-dessus. Mais comme c'est une femme, elle est associée au trône avec son jeune frère, en fait, qui est Ptolémée XIII. Et Ptolémée XIII est plus jeune, mais il y a un entourage politique très puissant autour de lui qui va... Qui veut écarter Cléopâtre, parce que c'est la femme intelligente et c'est une femme aussi. Donc, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a une forme de misogynie quand même assez importante à l'époque. Donc, cohabitation difficile entre terriblement deux. Difficile entre frères et sœurs, en plus, pour le pouvoir. Ils sont époux, mais ça, c'est l'usage à l'époque. Oui, bon, époux ici, on va quand même dire, vu leur âge en plus, c'est vraiment symbolique. Ouais. Qu'on les associe au pouvoir. On voulait garder chez les Ptolémées surtout toujours le sang grec aussi dans la lignée. Ça, c'était très important. Toujours la même famille. Mais ce conflit de pouvoir-là fait en sorte que Cléopâtre est forcée à l'exil. Elle s'en va en Syrie. Et même son manque de sources, on se doute qu'elle ne part pas seule et qu'elle a des alliés. Parce que quand Jules César va arriver dans le décor, il faut qu'il y ait des gens qui l'aident, cette femme-là, à revenir en Égypte. Et c'est à ce moment-là, en fait, que le frère de Cléopâtre, lui, consolide des alliances avec Rome, plus particulièrement avec Pompée, qui est un peu ici l'ennemi de Jules César dans le contexte d'une guerre civile pour le pouvoir unique à Rome. Donc, on a vraiment une grosse plateforme politique assez costaud. Et c'est important dans l'équation. Ce fameux Pompée, en fait, va expliquer un peu comment et dans quelles circonstances César arrive, boum, je suis là, en Égypte. Oui, voilà. César n'arrive pas, en fait, boum, comme par magie. Il y a un contexte. Il a effectivement gagné une bataille importante contre Pompée. Pompée a déjà des alliances avec Ptolémée XIII et Pompée va donc arriver à Alexandrie. Il se réfugie. Sauf qu'on est à une époque où on considère que Pompée est le maillon faible et dans l'espèce de guerre civile qui se déroule à Rome, on voit Jules César comme un homme beaucoup plus intéressant et beaucoup plus puissant, ce qui fait qu'avant même que Pompée arrive à Alexandrie après sa défaite à la bataille de Pharsale contre César, on réalise en fait qu'on est mieux de l'assassiner pour donner ça en cadeau à César en disant « Regardez, on est de votre côté, on a assassiné Pompée ». Donc, c'est la fin de Pompée dès son arrivée à Alexandrie. Et Jules César va recevoir sa tête et une bague pour confirmer qu'il est bel et bien mort. Et c'est un peu l'inverse. En fait, un peu comme Alexandre le Grand est fâché que Darius ait été assassiné avant qu'il puisse l'affronter, il est vraiment en colère en fait qu'on ait éliminé celui qu'il aurait dû affronter lui-même. C'est un peu le contexte qui l'amène en Égypte, mais c'est aussi que dans la volonté d'obtenir le pouvoir, s'il peut obtenir en fait les ressources agricoles de l'Égypte pour Rome, il devient plus puissant. Donc à son tour, Jules César débarque à Alexandrie. Voilà. Calpurnia, c'est ta troisième épouse. Oui. Est-ce qu'elle t'a donné un fils? Non, elle ne m'en a pas donné. C'est triste. Un homme qui n'a pas de fils est un homme qui n'a pas d'avenir. Je n'y avais pas pensé de cette façon. Ah oui? Dommage. As-tu protégé les ports en amont du fleuve? Tu dois le faire immédiatement. Celui qui contrôle les ports contrôle l'Égypte. C'est un très bon conseil, je n'en doute pas. Si mon but était de contrôler l'Égypte. Bien sûr que c'est ton but. Pourquoi serais-tu venu ici? Pourquoi m'aurais-tu sauvé si héroïquement de la mort? Sinon pour te servir de moi, comme ta marionnette. Cette idée te déplaît? Mes désirs ne comptent pas. Tu m'as sauvé de la captivité? Fais de moi ton esclave. Extrait de la télésérie Rome, diffusée en 2005, « Fais de moi ton esclave », dit Cléopâtre dans cet extrait à Jules César. Au-delà du côté coloré, on va dire ça comme ça, de ce qu'on vient d'entendre, quelle va être dans la réalité la nature de cette relation, Évelyne Ferron, c'est fondamental, entre Jules César c'est et Cléopâtre? C'est une alliance politique et économique. Ouais. Je veux dire, dans voir de « Fais de moi ton esclave », je dirais, bon, il est temps que les séries télé aient cherché de vrais historiens pour collaborer parce que c'est épouvantable ce qu'on vient d'entendre. Mais ça fait partie de l'imagerie qu'on associe. De l'imagerie, oui, mais ouais. De la réalité, certainement pas. Il faut comprendre que Jules César arrive quand même dans un contexte de guerre civile à Rome. Il est en conflit, entre autres, contre la République. En fait, il veut amorcer un changement important, devenir empereur, ce qu'il ne réussira pas, mais c'est quand même l'objectif. Et donc, ça brasse à Rome à ce moment-là. Il cherche des alliés. L'Égypte est très forte du côté de la marine. Elle a une marine très importante à l'époque de Cléopâtre. Et Cléopâtre peut fournir des bateaux à César aussi. Donc, il y a une forme d'alliance intéressante pour Cléopâtre. Bien, c'est lui qui peut lui permettre de récupérer officiellement son trône et de l'aider à se débarrasser de son frère et de l'entourage politique de son frère aussi. Et de garder son trône, plutôt, Cléopâtre, plutôt que de faire de l'Égypte une simple province romaine. Pourquoi il ne le fait? Il pourrait le faire. Pourquoi il ne le fait pas, César? Il pourrait le faire, oui et non, parce que il a tellement d'autres enjeux, en fait, dans le contexte de l'Empire romain, que ce n'est pas nécessairement la plus grande des priorités, je dirais, à ce moment-là. Et surtout, cette alliance-là avec Cléopâtre lui fait voir qu'elle, elle peut gérer le territoire très, très bien. Et c'est là qu'on voit la femme d'État. Oui. C'est qu'il réalise que cette femme-là, c'est pas son esclave du tout. Elle est capable, elle est tout à fait capable de gérer l'Égypte, alors qu'elle peut lui fournir, en fait, une marine, peut même lui fournir de l'appui militaire pour que lui puisse continuer, en fait, son projet pour arriver à Rome en disant, écoutez, vous voilà devant le fait accompli, je ne suis pas juste un grand conquérant, je suis probablement la meilleure personne pour gérer l'Empire romain à moi seule. Il y a un peu de ça dans cette dynamique-là. Et c'est ce qui fait que Jules César va faire assassiner le... On va mettre ça entre guillemets, là, mais le frère de Cléopâtre, dans des circonstances nébuleuses, se serait noyé dans le Nil, va mourir et il va pouvoir dire au peuple égyptien, voilà la femme que je vais mettre, qu'on peut mettre sur le trône. Et il y a une réaction à l'époque. Hein? Ça prend 16 ans pour faire comprendre au peuple égyptien qu'elle a ce qu'il faut pour pouvoir régner. Parce que le peuple a un peu un manque de confiance. Elle va gagner la confiance du peuple égyptien. Ouais. Ça fera partie des talents de cette femme politique au cours du temps. Mais juste un petit mot, puisque une partie de cette émission, c'est de faire le départage entre les mythes et la réalité. Cette rencontre entre César et Cléopâtre, un des mythes veut qu'elle arrive enroulée dans un tapis, c'est vrai ou pas? On ne saura jamais, parce que les sources, bon, on est dans la propagande, Raphaël pourra rebondir là-dessus, c'est que tout ce qu'on a comme source, ce sont des gens qui n'étaient pas là quand ça s'est produit. Donc, déjà, il y a un problème. Et c'est sûr que ça ajoute à la séductrice de penser qu'elle a été déroulée nue dans un tapis. Ce que l'on sait, par contre, par le peu de sources qu'on a, c'est qu'elle demande, en fait, une rencontre secrète avec Jules César pour pouvoir, en fait, lui expliquer en quel point elle est peut-être mieux, plus légitime que son frère, en fait, pour régner. Ça s'est probablement fait de nuit, mais est-ce qu'elle a vraiment été déroulée dans un tapis? Là, on joue dans Shakespeare. Et au-delà du tapis, est-ce qu'elle était dans un tapis? Est-ce qu'elle était nue dans ce tapis? Raphaël Welland, il y a un pacte, hein? on l'a dit plus d'une fois, il y a un réel pacte politique entre eux deux, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de séduction dans cette aventure-là? Je pense que vous avez dit les deux termes essentiels du personnage historique qui est devenu Cléopâtre, c'est-à-dire politique et séduction. Ouais. Il y a deux côtés qui, à mon avis, ne peuvent pas forcément être séparés et dont il faudrait parler également à peu près. Ouais. Le problème, c'est que dans la légende, on a complètement occulté le côté politique pour ne se concentrer que sur la séduction. Et c'est un moyen, en fait, de présenter Cléopâtre pour quelque chose qu'elle n'est pas, c'est-à-dire un adversaire oriental, corrupteur, une tentatrice, toutes sortes de choses, donc qu'elle serait. Et le côté politique, eh bien, on laisse ça à ses adversaires, ceux qui veulent se présenter comme absolument pas des gens corrompus et évidemment sans aucun sentiment et sans aucune faiblesse, des gens qui ont la tête froide pour la politique. Et ces gens-là, ce sont les Romains, et en particulier le premier des Romains, Auguste, Octave, le jeune adversaire de Cléopâtre. Ouais. Dans les faits, revenons à la femme de pouvoir, Evelyne Ferrand, qui dirige l'Égypte? Parce qu'il y a César, il y a Cléopâtre, il y a un pacte, mais est-ce que c'est une reine qui a un réel pouvoir? Oui. Et là, de plus en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve de la documentation, en fait, qui vient nous prouver ça. Donc là, du point de vue de la papyrologie, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de déchiffrer des papyrus de son époque, on n'en a pas tant que ça, mais qui nous montre à quel point c'est elle qui tire les ficelles. Jules César a d'autres choses à faire que de rester en Égypte. Il ne reste pas longtemps, en fait. Elle va le suivre à Rome, elle va lui donner un fils, et ça, c'est un outil politique, hein, lui donner un fils en même temps, de l'appeler Césarion et de le faire reconnaître comme l'héritier de César. Ça aussi, il y a tout un enjeu pour Cléopâtre en disant, écoutez, l'Égypte est peut-être un adversaire un peu plus puissant que vous pensez à Rome, parce que maintenant, bien, on a l'héritier de Jules César. Il y a tout ça. Mais ce qu'on la voit faire, c'est qu'elle dirige son pays, elle dirige la marine, elle planifie en fait des opérations militaires. Elle a une politique très nationaliste. Oui, et elle va faire que le peuple va se tourner, va finir par aimer. Elle incarne Isis. Elle connaît la mentalité du peuple égyptien, et plutôt que justement de jouer la carte des dieux gréco-égyptien qu'on a essayé de créer, un peu comme Sérapis, elle s'incarne en Isis, qui est une déesse puissante. Elle se fait représenter selon les traditions de son époque, et le peuple va commencer à la suivre parce qu'il voit que l'Égypte a réussi à se sauver, en fait, d'un contrôle romain. L'Égypte reste indépendante sous Cléopâtre. Et ça, c'est quand même important. Non? César est assassiné en 44 avant Jésus-Christ. Que devient Cléopâtre à la suite de cette disparition de César? Elle a l'héritier. Donc ça, elle sait que c'est quand même, justement, contre Octave, un point assez intéressant pour elle, parce qu'elle a l'héritier direct de César. Mais c'est sûr qu'elle est inquiète, parce que qui va prendre le relais? Est-ce qu'elle va se battre contre la République? Ou est-ce qu'elle va se battre contre les Césariens ou ceux qui voudraient peut-être créer un empire? Elle voit en fait la joute politique, mais elle n'est pas certaine en fait de où se situer. Et quand Marc-Antoine donc devient l'exécuteur testamentaire de César et qu'ils doivent retrouver en fait lui et Octave, entre autres, les assassins de César, on va la voir entrer dans la joute et se dire, écoutez, vous étiez l'ami de César, vous étiez son exécuteur testamentaire, j'ai encore une fois un projet à vous proposer, j'ai aidé Rome et Rome doit continuer à aider l'Égypte aussi. Ce partenariat-là ne doit pas mourir avec César. Et il est important, Marc-Antoine, parce qu'effectivement, à la mort de César, c'est lui qui au fond, reconnaît que l'héritier, ça ne sera pas Octave, le fameux Octave, mais ce sera Césarion, le fils de Cléopâtre. Et c'est comme ça, donc, qu'il entre à son tour dans le décor, tout près de Cléopâtre. Je suis Marcus Antonius. Oui, je sais qui tu es. Mais qu'es-tu en ce moment? L'envoyé de Rome. Alors, Antoine, tu te présentes devant moi en suppliant? Si tu veux me considérer comme tel. Je le veux. Tu vas par conséquent prendre la position que les suppliants doivent prendre devant ce trône. Tu vas t'agenouiller. Tu as l'audace de demander au proconsul de l'Empire romain? Je l'ai demandé à Caius Julius César. De toi, je l'exige. Bien. Tu peux avoir le traité que tu viens chercher. Aux conditions suivantes. Par ton autorité comme proconsul de Rome, tu vas céder à l'Égypte immédiatement les pays dont les noms suivent. Judée, Jordanie, Arménie, Phénicie, les provinces du Sinaï et d'Arabie, et les îles de Chypre et de Crète. Tu me demandes là un tiers de l'Empire romain? Je suggère que tu réfléchisses encore. Autre extrait du film Cléopâtre de Joseph Mankiewicz, Marc-Antoine, donc, qui, après Jules César, viendra au secours de Cléopâtre. Au-delà de ce qu'on vient d'entendre, de la dramatisation autour de cette rencontre, elle sera importante, cette rencontre-là. Oui. Il sera un allié de Cléopâtre, Marc-Antoine. Et là encore, il y aura, comme avec César, une forme d'union, de pacte entre les deux. De quelle nature sera cette union et ce pacte? si on devait choisir un amoureux à Cléopâtre, on choisirait Marc-Antoine, oui. Qui est beaucoup plus important que César ici. Donc il y a un pacte, mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Ils ont des enfants ensemble, ils se font représenter ensemble. Il finit par abandonner son épouse parce qu'il va épouser la sœur d'Octave. En fait, il l'abandonne pour aller rejoindre Cléopâtre. Et c'est là que la propagande à Rome va être très négative envers ces deux-là aussi. Mais donc, il y a la puissance de l'Égypte dont il a besoin pour combattre, entre autres, un ennemi qu'on appelle les Parthes, qui est importante pour Marc-Antoine. Mais au-delà de ça, il y a vraiment une relation qui donne des enfants, mais qui semble, en fait, ces deux personnalités qui semblent très bien s'entendre et qui fonctionnent bien ensemble. C'est une équipe, en fait, qui se crée entre Cléopâtre et Marc-Antoine. Et Marc-Antoine va finir par choisir Cléopâtre, l'Égypte. Pourquoi? Dans quel contexte? Puis ça sera fatal, au fond, mais racontez-nous un peu ça. Encore là, c'est difficile pour les historiens parce que la propagande romaine contre eux a tellement été forte et les sources venant de leur côté sont tellement inexistantes que de comprendre les motivations de Marc-Antoine, c'est assez difficile. Mais il a des enfants, il veut les reconnaître comme héritiers, il fait reconnaître Césarion aussi comme le grand héritier de Jules César. Il voit probablement en l'Égypte et en Cléopâtre quelque chose qui, non seulement une puissance militaire, mais il aime l'Égypte. Mm-hmm. En fait, il tombe pas juste amoureux de Cléopâtre, il tombe amoureux de l'Égypte. Il tombe amoureux du potentiel aussi de l'Égypte, probablement du point de vue agricole, militaire et économique. Et il est prêt, en fait, à devenir l'ennemi de sa propre patrie. Il renonce à l'Empire romain pour son nouvel empire. Son nouveau rêve, c'est l'Égypte. Mmh. C'est la Grande Égypte, au fond. Mais elle lui fait miroiter aussi de recréer l'Empire d'Alexandre le Grand, son ancêtre. Et ça, c'est quand même, c'est demeuré. J'appelle ça le syndrome d'Alexandre, mais il y a tant de chefs d'État qui ont voulu recréer cet empire-là qu'il y a quelque chose dans l'envie de pouvoir aussi de Marc-Antoine qui devait être très attirant là-dedans. Mais ce choix-là, il va lui être fatal. À lui, à Marc-Antoine et à Cléopâtre, pour parler de cette fameuse mort autour de laquelle de nombreux mythes aussi continuent de circuler. Je vous propose d'écouter un petit montage d'un extrait du documentaire « Ces femmes qui ont fait l'histoire », l'épisode consacré à Cléopâtre, diffusé sur Arte en 2013. C'est suivi d'un commentaire de l'historienne Virginie Giraud, tiré du documentaire « Sur les traces de Cléopâtre », réalisé par Olivier Lemaître en 2017. Faites partout savoir que Cléopâtre, par la morsure d'un cobra, vient de quitter ce monde pour la vie éternelle, comme il sied à la reine d'Égypte. Plaise à Octavien de soumettre l'Égypte. Jamais, jamais il ne me soumettra. La mort de Cléopâtre est essentiellement connue par l'historien antique Plutarque. Il donne beaucoup de détails, il s'approche même d'une manière un peu romancée de raconter cette mort, et il nous raconte que Cléopâtre a fait venir dans son tombeau un panier de figues dans lequel on avait fait cacher des serpents. Elle avait pour ambition de se faire mordre par ces serpents et de mourir de cette manière. Symboliquement, c'est assez crédible dans la mesure où la piqûre de l'Uraeus, le serpent divin égyptien, donnait une forme d'immortalité dans l'au-delà. Donc il y a une part très mythologique dans la mort de Cléopâtre, très symbolique, qui est peut-être éloignée de la réalité, mais qui marche très bien sur le plan du storytelling de l'époque. Donc, autre mythe autour de cette mort, qu'est-ce qu'on sait avec le recul? Question double, en fait. Dans quelles circonstances meurent Marc-Antoine et Cléopâtre? Et pourquoi décide-t-il, particulièrement Cléopâtre, de se donner la mort? Parce qu'Octave veut la traîner dans les rues de Rome comme une vaincue. Et elle aurait été lapidée. Elle aurait été lapidée par la population. Donc, je dirais, c'est impossible pour elle, en tant que reine d'Égypte, en tant que pharaon, d'accepter un sort comme ça. C'est un geste politique pour elle. C'est un geste politique, mais c'est aussi pour s'assurer qu'il n'y ait pas cette humiliation-là pour la fin de sa lignée. Donc, ça, c'est important. Elle va mourir. Les circonstances sont nébuleuses. C'est très shakespearien, mais on sait que Marc-Antoine apprend sa mort et qu'il se serait donc suicidé en se jetant sur sa propre épée. Encore une fois, bon, les sources se contredisent, mais elle l'aurait vu mourir dans ses bras, ou du moins, s'il n'était pas mort, il était en train de mourir. Donc ça, c'est sûr que pour Shakespeare, ça donne quand même beaucoup de choses. Mais pour elle, concrètement, elle sait très bien que Octave l'amène à Rome et que ce serait une humiliation suprême. Le cobra ou l'uréus, le serpent, ça fait encore partie d'une imagerie orientale qui a été créée de toutes pièces. Pourquoi choisir une mort par morsure de serpent qui aurait été épouvantable quand on a l'arsenic à l'époque qui vous permet de mourir d'une façon très rapide? Et quand on voit la description de sa mort où elle meurt en douceur, puis sa servante est en train de lui ajuster son diadème et elle meurt en douceur, on est de plus en plus certain que c'est l'arsenic qui a été choisi. Le bain de Cléopâtre, de la ville parfumée, pour baigner son corps. Est-ce que le nez de Cléopâtre a posé des problèmes au dessinateur? Eh bien oui. Du fait de lui adjoindre, de lui mettre un nez assez long, vraiment ça ne l'embellissait pas. Ça lui donnait un visage assez bizarre. Alors j'ai dû faire un compromis. Je lui ai fait un nez un peu long, mais pas trop long tout de même. Que j'ai dû d'ailleurs, qu'on a dû faire raccourcir pour le film. Oui, ça m'a permis de lui faire ce jeu de mots dont je suis encore fier. Oh qu'il est beau le tarin de ta reine. La la la la la la la la la la la la la la la. Sur la chanson « Le bain de Cléopâtre », tirée du dessin animé Astérix et Cléopâtre, réalisé par Gérard Calvi, vous entendiez le scénariste de l'album Astérix et Cléopâtre, René Goscinny, le dessinateur de l'album, Albert Uderzo, au micro de Bernard Pichon à l'émission suisse « Samedi jeunesse » diffusée en 1968. Dernier bloc de l'émission, ce qui reste de Cléopâtre dans notre imaginaire, Cléopâtre après Cléopâtre. Quand on regarde un peu comment a évolué son image au fil du temps, Raphaël Wallan, ça donne quoi? Alors, Cléopâtre est, on l'a dit abondamment, une femme très célèbre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est ici encore, 2000 ans plus tard, en train d'en parler. Mais cette célébrité, elle est tout à fait négative. On devrait normalement parler de Cléopâtre comme d'une femme politique, avec des défauts et des qualités, mais parce qu'elle est une vaincue, parce qu'on la connaît du fait des commentaires de ses opposants, parce que ses opposants ont créé un nouveau régime, l'Empire romain, ouais, et qu'il leur fallait donc une victoire totale sur un ennemi complètement négatif, eh bien, son rôle est d'être cet ennemi complètement négatif. Oui. Et donc, très vite dans l'histoire, juste après qu'elle meurt, en fait, c'est la fin de cette dynastie des Lagides, c'est la dernière reine d'Égypte. Juste après qu'elle meurt, on la traîne dans la boue, entre guillemets. Les Romains qui viennent de vaincre, c'est ça l'image, tout de suite après sa mort. Tout à fait. Alors, cette image négative, justement, elle va tourner autour de deux éléments. On va complètement occulter le côté politique et on va tourner uniquement autour du côté donc, de la tentatrice, la corruption, ouais, notamment sexuelle, mais aussi une corruption qui serait celle d'un Orient despotique, de luxe, d'extravagance. On parlait là du nez de Cléopâtre, célèbre nez. Bon, alors, je ne suis pas là pour discuter si elle a un beau nez ou non, mais le fait de parler essentiellement de ce nez-là, provient justement de la volonté d'en faire un être de chair, mais pas de politique. Ouais. La question du nez, il vient d'un philosophe français du XVIIe siècle, Blaise Pascal, qui écrit « Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la Terre en eût été changée. Ouais. » Ce que veut dire Blaise Pascal, c'est que la beauté de Cléopâtre lui permet d'interférer là où elle n'avait pas d'affaires. Elle est belle et donc elle détourne les hommes de leur destin. La beauté enlève le côté politique. Ça détruit toute la patrie. L'histoire de César et de Marc-Antoine est changée par le fait que cette femme a la beauté pour les séduire, alors qu'il aurait fallu rester froid, ouais, et stoïque. Vous parlez de Blaise Pascal, ça va beaucoup passer. L'image qu'on véhiculera de Cléopâtre, ça va beaucoup se traduire dans les livres, dans la littérature. Shakespeare, pour le nommer, ne va pas résister, pourquoi s'en priver, à l'envie de s'emparer du personnage de Cléopâtre. À quoi va ressembler la Cléopâtre de Shakespeare, Raphaël Wallande? Alors, entre la propagande romaine, essentiellement négative, et Shakespeare, il y a presque 1500 ans dans lesquels on va s'appuyer sur cette propagande romaine. On va, par exemple, au Moyen-Âge, on va opposer la Cléopâtre terrible aux femmes chrétiennes, les martyrs, la Vierge Marie, qui existerait à peu près au même moment et qui serait la femme parfaite face à une Cléopâtre terrible. Elle va être dans le second cercle de l'enfer de Dante, au XIVe, ouais, siècle en Italie, etc. Mais il y a aussi une vision un peu plus positive des gens comme Chaucer, par exemple, au XIVe siècle en Grande-Bretagne, qui va lui essayer justement de présenter une vision un peu plus positive. Et puis tout à coup, au XVIIe siècle, on atteint ce qui va devenir le récit canonique de Cléopâtre, c'est-à-dire qu'on en arrive avec Shakespeare à une version dans laquelle le côté politique, qui était encore là chez certains, avec Chaucer par exemple, ce côté politique il va complètement disparaître avec Shakespeare. Cléopâtre et Marc-Antoine vont devenir des personnages qui ne seront que pathétique, que tragique, que des personnages d'émotion et absolument pas d'intellect, de réflexion, d'action politique. Ouais. Ce ne sont pas des gens qui ont essayé quelque chose et qui ont échoué. Ce sont des gens qui étaient perdus sur leur barge à dissoudre des perles dans le vinaigre, à boire de l'or liquide, ouais, et à faire l'amour toute la journée. Absolument. Ouais. Avec une couche de romantisme quand même. C'est Shakespeare. On n'est pas très loin, la mort de Roméo et Juliette, au fond. Oui, tout à fait. On pourrait s'imaginer que Shakespeare les rend agréables parce qu'il les rend romantiques. Mais la vérité, en fait, c'est qu'il fait un job de bras encore plus terrible que celle d'Auguste. Parce qu'Auguste, au moins, avait laissé un petit côté de politique à Cléopâtre. Là, avec Shakespeare, elle ne devient qu'une émotion et rien d'autre. Elle n'est donc, elle est une femme qui ne s'incarne que dans l'émotion et absolument pas dans la l'émotion et la beauté. C'est une déesse au fond que présente Shakespeare aussi. Que dire de la beauté réelle? Est-ce que ce sera le dernier mythe de l'émission? Est-ce que c'est un mythe? On en parle dans un instant, mais je vous propose d'abord d'écouter sur cette beauté supposée de Cléopâtre un extrait d'un reportage de Jacques Plana qui relate la publication d'un article paru dans le Sunday Times de Londres à l'occasion de la présentation d'une exposition sur Cléopâtre à Londres en 2001. Écoutez bien ce qui suit. Il fallait être britannique pour oser toucher à la réputation de Cléopâtre, une femme considérée comme le dernier pharaon d'Égypte et qui a fait naître nombre de légendes pour avoir su séduire César puis Antoine avant de connaître une fin tragique. Tout irait pour le mieux pour la gloire de Cléopâtre si un journal britannique n'était pas venu jeter une pierre dans son jardin. Selon le Sunday Times, non seulement Cléopâtre n'était pas la créature de rêve que l'on a toujours adulée, mais elle était au contraire petite, grassouillette et plutôt laide. Et pour faire bonne mesure, le journal ajoute qu'elle avait un air revêche et des dents mal plantées. On imagine l'émotion provoquée en Égypte où les plus hautes autorités des antiquités nationales renvoient notamment à des bas-reliefs de Dendera pour prouver que tout cela était faux. Et d'ajouter qu'il ne s'agit en fait que d'un procès raciste commencé dès l'Antiquité lorsque Virgile, par exemple, s'exclamait dans l'Énéide « Abomination, une épouse égyptienne ». De là à affirmer que c'est une revanche après la mort de la princesse Diana qui avait osé aimer un Égyptien, il n'y a qu'un pas que l'on hésite encore à franchir. Mais en tout cas, on comprend mieux pourquoi l'Angleterre a été surnommée la perfide Albion. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la beauté réelle, relative de Cléopâtre, Raphaël Walland? Je crois que, en fait, on voit bien qu'on est dans un procès qui est celui de l'Angleterre du début des années 2000, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'Égypte ancienne. Et la vérité, c'est que la beauté de Cléopâtre, c'est une non-question. Elle ne m'intéresse d'aucune manière. Les portraits qu'on a d'elle sont des portraits qui sont organisés par elle pour vouloir dire quelque chose, et les portraits qui sont faits par d'autres sont des portraits qui sont organisés par eux pour vouloir dire autre chose. Je l'ai dit, la beauté de Cléopâtre, c'est une arme qui est celle d'Auguste pour la vider de sa substance politique, pour la rendre une femme uniquement d'apparence, de sensualité, de perversion. Donc dire Cléopâtre est très belle, en fait c'est un moyen de dire, d'une certaine manière, Cléopâtre est sotte, de lui enlever toute arme politique. Ouais. Et lui dire qu'elle est laide, ce serait pas un bon moyen de dire qu'elle est une bonne femme politique à côté, mais voilà, ça m'intéresse pas en vérité. Maxime Durand, je sais pas quel genre de représentation... Est-ce qu'elle est dans le jeu d'ailleurs que vous avez développé, Cléopâtre? Je sais pas quel genre de représentation vous en faites. Est-elle une belle femme dans ce jeu Assassin's Creed? Mais qu'est-ce que vous avez découvert en travaillant sur cette époque? Ben, quelle représentation vous en faites de Cléopâtre? Mais dans le jeu Assassin's Creed, donc, Cléopâtre est représentée et on joue en fait beaucoup avec cette attente-là que les gens ont d'un personnage qui est fantasmagorique, qui est très érotique. Et puis, enfin, on essaie de le déconstruire. Donc, on approche le joueur avec cette première représentation-là où elle dit, bon, justement, bon, on joue avec les mythes où elle va coucher avec des hommes. Dans le jeu, elle fait promettre que ceux qui vont passer la nuit avec elle vont en mourir, en fait. Donc, ils ont le choix de la vie ou de nuit avec elle. Donc, c'est quand même intéressant. Ouais. Mais après, en arrière, on déconstruit. On montre à quel point c'est en fait un fin stratège. C'est une femme excessivement intelligente. Ouais. Du moins, de la façon dont on veut se la représenter. Ouais. Et même sa beauté, Évelyne Ferron, quand on parle d'une fine stratège, elle va tenter, puis c'est pas la première à faire ça, il y a plein de rois, d'empereurs, d'impératrices qui ont fait pareil, mais elle veut contrôler l'image qui est projetée d'elle. Les pièces de monnaie, par exemple, en préparant l'émission, ça, c'est la face, le visage de Cléopâtre qu'on voit sur ces pièces. Elle est très attentive à ne pas être trop esthétiquement belle. Même sur ses bustes, en fait, c'est une femme ordinaire. On pourrait dire ça comme ça, surtout si on compare au mythe, en fait, qui a été créé autour d'elle. L'Égypte, pourquoi elle réagissait mal, c'est que ça lui valait du tourisme, en fait, que les gens pensent, oh, c'est la belle Cléopâtre, je m'en vais en Égypte pour la belle Cléopâtre. Il y a de ça dans le débat qu'on a entendu tout à l'heure. Donc, même dans ses bustes et tout ça, on voit qu'elle a des traits quand même assez robustes. Sur les pièces de monnaie, bien, c'est sûr que si on regarde un peu comme des reines comme Hatshepsut, le but, c'est de faire passer un chef d'État et non pas justement une femme. Elle ne veut pas paraître trop féminine. féminine, trop belle. Non, elle a des traits qui sont assez masculins, en fait, sur ses pièces de monnaie, et ça, ça surprend. Et sur ses bustes, elle est d'une grande sobriété. Et de ce qu'on en sait par certaines sources de l'époque, son habillement aussi était très sobre. Mm-hmm. Un simple chiton, parce qu'elle était reine, souvent avec du pourpre, de l'or et tout ça. Mais je veux dire, on est loin des espèces de robes décolletées mm-hmm. qu'on pourrait imaginer ou quoi que ce soit. C'est un personnage, c'est une femme d'État. Et pour ça, les artifices, surtout dans sa représentation physique, n'ont pas été utilisés. Donc, ouais. Je suis un chef d'État et vous allez le voir sur mes pièces de monnaie qui circulent partout autour de la mer Méditerranée. Ouais. Raphaël Wallan, poursuivons un petit peu notre remontée du temps dans la façon dont va évoluer cette image de Cléopâtre. On en est où aujourd'hui? Aujourd'hui, on en est à une réhabilitation. Ouais. Donc, on a vu le film de Mankiewicz donc dans les années 60, où on copie plus ou moins l'idée donc, d'une femme d'émotion sans politique qui avait été créée par Shakespeare. Et dans les 20-30 dernières années, on a eu donc une réhabilitation par des historiens qui ont essayé de ressortir, comme l'a très bien fait Evelyne, le côté de femme politique qu'il y a en arrière, sans jugement moral, hein, de mm-hmm. dire si elle avait raison ou tort, si elle est une terrible vaincue, si c'est triste ou non. Simplement, le fait qu'elle ne soit pas qu'une bête de luxure, c'est déjà pas mal comme réhabilitation. Je dirais cependant que bien souvent, j'ai l'impression qu'on est allé trop loin ou mal. J'ai vu toutes sortes de personnes, par exemple, expliquer contre la propagande qui avait été la propagande d'Auguste, donc elle serait une femme de luxure, elle s'occuperait mal de ses enfants, etc. Il y a des gens, au contraire, qui vont dire non, c'est pas vrai, elle n'a eu que deux amants, on n'a aucune preuve du contraire, elle a quatre enfants, et c'est une mère aimante, etc. Ce qui est une mauvaise manière de la réhabiliter, parce qu'on reste dans le cadre ouais. du débat sur l'émotion. En fait, la vérité, je vais dire ça sans flatterie, je vais dire que j'ai deux exemples que j'aime beaucoup de représentations dans les dernières années de Cléopâtre, c'est celui de la série Rome de HBO, oui. dans lesquelles elle est une femme qui est dans une position de faiblesse mais qui réussit à manipuler et dans l'extrême, moi je crois on insiste sur le fait qu'elle dit qu'elle est son esclave oui. mais moi je trouve que le début est plus important oui. c'est-à-dire qu'elle joue à l'esclave mais en sachant qu'elle a des intérêts en arrière et elle réussit à les faire jouer. Et l'autre exemple que j'aime bien, c'est celui justement du jeu d'Assassin's Creed, dans lequel même si on lui a fait un procès d'intention terrible on réussit justement à faire passer le fait que voici ce que vous attendez et voici ce qu'elle est en réalité. Mmh. Il y a même un déplacement physique dans lequel elle va passer d'un étage où elle est ce que vous attendez à un sous-sol dans lequel elle devient ce qu'elle est en réalité. Ouais. Donc il y a, même dans la posture, il y a cette transformation-là. Et je crois qu'aujourd'hui, on réussit enfin un jugement peut-être un peu plus équilibré. Lynn Ferrand, elle a changé quoi au destin de l'Égypte, Cléopâtre? À une époque où l'Égypte aurait pu justement être assujettie très vite à Rome, elle lui a donné une période d'espoir. Ouais. Elle a montré que même si elle était une femme, l'Égypte était un grand pays parce que même après la bataille d'Actium, sa défaite contre Octave, elle n'a pas osé dire au peuple égyptien qu'elle avait perdu. Elle leur a laissé croire qu'ils avaient gagné. Même elle voulait que les Égyptiens soient fiers d'être Égyptiens, même avec une souveraine grecque. Mm-hmm. Et ça, là-dessus, elle a réussi. Quelque part, même si le mythe qui a été perpétré est parfois négatif, comme le dit Raphaël, il a continué. L'Égypte a quand même eu une forme de pérennité grâce mm-hmm. à elle par la suite. En Égypte, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle représente, Cléopâtre, Raphaël Wallan? Beaucoup d'argent. Oui. De l'argent du tourisme. On peut faire un parallèle avec Sissi à Vienne, par exemple, ou des personnages de ce genre-là. Donc, elle est sur les porte-clés, elle est sur les boîtes de thé. C'est terrible ce que vous nous dites. C'est vraiment que ça? C'est très cynique ce que vous dites. Dans la vie de tous les jours, elle n'est que ça, effectivement. Mais je vous dirais que c'est le cas de la plupart des grands personnages. Et je vous dirais que même Auguste a fini par devenir ça en Italie. Vous avez des gens qui ont d'un côté un cellulaire et de l'autre côté qui vous vendent des portraits d'Auguste si vous vous promenez à Rome autour du Colisée. La vérité, c'est que dans la vie de tous les jours, les gens connaissent l'histoire par les films, par les jeux, et qu'ils vont chercher cela lorsqu'ils sont en voyage. Raphaël Wallan, historien, habitué de l'émission. Evelyne Ferrand, habitué de l'émission, historienne et collaboratrice de Maxime Durand, qui est historien également pour Ubisoft. Evelyne, vous avez travaillé avec Maxime sur le développement de ce jeu, Assassin's Creed. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous. Merci. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.